Chapitre 23e. Un lit de souffrance. William, j'ai reçu un coup mortel. J'ai reçu un coup mortel. C'était Henry Ashley qui s'exprimait ainsi. 4 jours s'étaient écoulés depuis le jugement de Herbert, et William voyait Henry pour la première fois depuis cet événement. Nous avons dit que Helstonleigh jugeait Anna Lynn de la manière la plus défavorable. Elle eût été, une torche à la main, incendiée toutes les maisons, que les habitants n'auraient pas crié davantage de scandale. On eût dit un de ces télégrammes politiques soi-disant authentiques qui mettent en confusion la bourse de Paris. Personne ne mettait en doute la mauvaise conduite d'Anna. Si Samuel Lynn avait vu la chose sous un jour assez sombre pour en recevoir une attaque de paralysie, il y avait guère de chance que les autres la regardassent sous un jour plus favorable. Cette nouvelle avait presque tué Henry Ashley, et les paroles qu'il prononçait n'étaient pas aussi exagérées qu'elles le paraissaient. « J'ai reçu un coup mortel, » disait-il. « Non, ce n'est pas un coup mortel, » lui répondit William. « C'est un coup pénible, je le sais, mais tu peux t'en remettre. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir, voilà 4 jours entiers, que tu n'as pas abordé la maison ?»« Parce que je craignais de te mettre dans l'état d'agitation où tu es maintenant, » expliqua franchement William. Monsieur Ashley m'a dit mercredi, Henry a eu une de ses attaques. Je sentais qu'il s'agissait plus de l'esprit que du corps cette fois-ci, et j'ai cru bien faire de te laisser tranquille. Il n'y a personne que moi à qui tu puisses parler de ton chagrin. Eh bien, en ce cas, ton éloignement n'a pas répondu à ton but. Mon père m'est arrivé avec tous les détails, croyant me distraire de mes souffrances, et ne se doutant pas que chacune de ses paroles était un coup de poignard qui m'enfonçait dans le cœur. Ma mère venait me donner d'autres détails encore. Marie, à son tour, demandait des informations. Maman prenait des airs de mystère et ne voulait pas lui répondre. Marie ne peut croire Anna capable de mal faire. Elle a en elle une confiance aussi absolue que celle que j'avais. Que j'avais ! Oh, William, elle était mon but dans la vie, elle était mon avenir, elle était pour moi le monde, le ciel. « Voyons, tu vas te faire mal !» s'écria William, du ton dont il aurait parlé à un enfant capricieux. Il aurait pu tout aussi bien s'adresser au vent. Henry ne l'écoutait pas. Il continuait avec agitation. « Je ne suis pas comme un autre homme, moi. Vous pouvez aller dans le monde, vous autres, vous occuper du plaisir. Moi, je suis enfermé ici. Mais que m'importait? Est-ce que je vous portais envie? Non. Tant que je pouvais penser à elle, j'étais plus heureux que vous. Si ceci n'était pas survenu, quelque autre circonstance se serait mise à la traverse et les choses en seraient arrivées au même point qu'aujourd'hui, observa William. « Et maintenant, tout est fini !» continua Henry, sans prendre garde à la remarque de William. « Tout est passé. Et moi, je voudrais être mort. Et moi, Henry, je voudrais que tu fusses raisonnable. Ne me prêche pas, vous autres hommes actifs, avec vos nombreux intérêts de la vie. Vous ne pouvez comprendre ce que c'est que d'aimer pour quelqu'un comme moi. Je te dis, William, qu'elle était littéralement ma vie, l'essence de ma vie, mon tout. Je ne suis pas sûr de n'avoir pas été fou depuis. En tout cas, tu l'es maintenant. » Je crois bien que je le suis. Voilà 4 jours que j'ai dû ensevelir ma douleur au-dedans de moi. Je ne pouvais pas même me plaindre la nuit, car on s'était imaginé que j'avais une de mes attaques, et on avait posté la vieille bonne dans la chambre voisine avec la porte ouverte. Il n'y a personne que toi à qui je puisse confier mes plaintes. Il faut que tu m'écoutes si tu ne veux pas que je devienne tout à fait fou. J'espère que je ne serai pas plus longtemps fardeau pour vous tous. William ne savait que répondre. Peut-être valait-il mieux effectivement le laisser se lamenter. « Je voudrais pourtant, » dit William à haute voix, « que tu fusses un peu plus raisonnable. Tais-toi. As-tu jamais subi un coup pareil ? Non. Alors tu ne peux pas me comprendre. C'était toute la joie que j'avais sur la terre. Tu pourras retrouver d'autres joies, d'autres. La misérable !» interrompit Henry, et des gouttes de sueur s'amassaient sur son front. La lâche, l'impudente créature, n'était-elle pas la fille de Samuel Lynn, l'ami de ma sœur ? Quelle idée le jury a-t-il donc eue d'acquitter Herbert? Trouvait-il qu'un bout de corde était trop bon pour lui? Il a été reconnu innocent de l'assassinat. S'il a de la conscience, lui, de la conscience? Interrompit encore Henry avec colère. Je ne sais pas à quoi tu rêves. Est-ce qu'il va rester à Helstonleigh? Je le suppose. Il a repris tranquillement sa place dans le bureau de son père le lendemain du jugement. Il est à Londres, mais seulement momentanément. Repris tranquillement sa place? Oui. Cyril me disait aujourd'hui que maintenant que l'accusation était reconnue fausse, ils allaient commencer à grandir de nouveau. À grandir ? En quoi ? En infamie ? Henry, l'innocence reconnue de... Si tu appliques ce mot à cet homme, William, tu es aussi lâche que lui. » William se rappela les souffrances de Henry et continua sans avoir eu l'air d'entendre. « Je le lui applique par rapport au crime dont il a été accusé. Son acquittement et sa mise en liberté sont cause que les Dare relèvent la tête. Mais ils ont perdu leur rang à Elstonleigh. Leur rang ?» répéta Henry avec mépris. « Ils n'ont jamais eu de rang à perdre. Le patron compte-t-il garder Cyril à la manufacture ?»« Je n'ai rien appris qui me fasse penser le contraire. S'il l'a conservé tant que l'accusation pesait sur la tête de Herbert, il n'est pas probable qu'il le renvoie maintenant qu'il est acquitté. »« Acquitté ? Est-ce qu'une autre accusation n'a pas pris la place de la première ? Serait-il juste de punir un homme des fautes de son frère ?»« Une fameuse paire de frères !» cria Henry, avec les manières brusques et emportées qui lui étaient habituelles lorsqu'il souffrait. « Samuel Lynn, lorsqu'il sera rétabli, se plaira-t-il bien à la manufacture dans la société de Cyril Dare ?» William secoua la tête. Ses considérations ne le regardaient pas. « Tu l'as entendu faire sa déposition ?» reprit Henry. « En grande partie. Raconte-moi ce qu'elle a dit. »« Non, Henry, cela ne te ferait aucun bien. Raconte-le-moi, je le veux. » persista Henry. « Je le sais en gros. Je veux le savoir en détail, mot à mot, mais... » Henry leva subitement la main. Et la posa sur les lèvres de William, qui se retourna et aperçut Marie. « Reconduis-la au salon, William, » dit-il tout bas. « Je ne puis supporter personne d'autre que toi, maintenant. »« Pas encore, Marie, » ajouta-t-il à haute voix, en faisant signe à sa sœur de s'en aller. « Pas à présent. » Marie s'arrêta indécise. William s'avança, lui offrit son bras, et la conduisit hors de la chambre. « Je ne fais qu'obéir un ordre, mademoiselle, » lui dit-il. « Si Henry peut vous avoir près de lui, » « il peut aussi me supporter, » fit observer Marie. « Vous savez quels sont ses caprices lorsqu'il est malade. »« N'y aura-t-il pas quelque intelligence entre vous deux ?» demanda-t-elle avec intention. « Oui, nous nous comprenons parfaitement. »« Eh bien alors, dites-moi ce qu'il a cette fois. Je n'aime pas en parler à maman, qui prétend que c'est un effet de mon imagination. Mais il me semble que la maladie de Henry a plus atteint l'esprit que le corps. » William ne répondait pas. « Et pourtant je ne comprends pas où Henry aurait été chercher quelque chagrin, » reprit Marie. « Il ne va pas dans le monde, il n'en connaît pas les soucis. »« Vous ne parlez pas, » ajouta-t-elle en regardant William. « Est-ce que vous ne voulez pas me le dire ou bien ne savez-vous rien ?» William baissa la voix. « Je puis seulement vous dire que la meilleure chose à faire, la seule même, serait de ne laisser voir ni à Henry ni à personne que vous soupçonnez quelque chose. » « Rappelez-vous l'excessive sensibilité de votre frère. Quand il croit devoir cacher ses sentiments, ce serait lui porter un coup mortel que de lui laisser voir qu'il a été deviné. « Je crois que vous avez toute sa confiance. »« Mais oui, » répondit-il avec un léger sourire. « Alors, s'il a quelque chagrin, vous essaierez de le consoler. »« De tout mon cœur, » dit-il vivement. Mais il n'y avait pas, semblait-il, la moindre nécessité à ce qu'il serra comme il le faisait les mains de Marie entre les siennes en lui répondant. Ni à ce que Marie rougit en entrant au salon. Retournons à Anna, à la pauvre Anna, si rapidement déchue dans l'estime de la ville, sans avoir cependant complètement mérité le blâme qu'on jetait sur elle. Quand William avait dit à Anna que Herbert Dare ne jouissait pas d'une bonne réputation, il avait dit l'exacte vérité. Anna aurait passé une nuit tout entière, au lieu de la moitié d'une, à la porte de sa maison, avec quelqu'un d'autre, que l'on n'eût pas pensé d'elle autant de mal. Qu'avait donc fait Herbert pour acquérir un tel renom? Les uns l'accusaient d'une chose, les autres d'une autre. En somme, il eût été presque impossible d'assigner une cause certaine au peu d'estime qu'il inspirait. Cependant, quelle qu'eût été sa légèreté en attirant Anna à ses rendez-vous, quand l'explosion était arrivée, il l'avait supportée en homme d'honneur. Plus d'un autre eut parlé tout de suite et se fut libéré aux dépens d'Anna. Herbert, lui, s'était dit que Elstonleigh ne manquerait pas de ternir la réputation de l'imprudente jeune fille, et tant qu'il avait cru pouvoir prouver son innocence sans la nommer, il avait gardé le silence. Il s'était laissé emmener comme un vil malfaiteur, et ce n'était que la crainte même de la potence qui l'avait fait parler. Il y avait dans son caractère une générosité chevaleresque que la ville se refusa à lui reconnaître. Chacun, sans exception, préfère avoir l'affaire sous une couleur toute différente.